بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قد يزهد الكثير من الزواج بالقريبات محتجا أن ذلك يورث أمراضا وراثية، فما مدى صحة هذا؟ Ils ont posé cette question à Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله, أن beaucoup de gens ils refusent de se marier avec leurs proches. Maintenant, un cousin avec une cousine, muhtajjan. Pourquoi? Ils prétendent que ça cause des maladies. Enfin, ils ont posé la question à Cheikh Al-Fawzan: est-ce que hada c'est vrai? Des maladies génétiques, etc. Par rapport au sang. Enfin, il a répondu: hafidhahullah ta'ala, hada la yajouz. Hada min al-gharb, laysa min al-shar'a. Enfin, hafidhahullah ta'ala, il a répondu: hada. Elle fait que cette pensée qui est très très répandue, ça vient de l'Ghorb. Ça vient des ennemis de l'islam. Falihada, c'est pas permis de penser comme Ha'oula. Qala, laysa min al-shara. Ça fait pas partie de notre din. Bel, dans notre din, qala al-shara. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tazawaja min qaribatih. Wa zawaja Ali ibn Abi Talib, ibn ammihi min bintihi Fatima. Naam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, chacun d'entre eux, ils se mariaient entre proches. Et la preuve la plus claire, c'est que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a marié sa fille avec Ali radiyallahu anhu, radiyallahu anhum ajma'in. Tazawwaja Ali ibn Abi Talib ibn ammihi min bintihi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son cousin. Leur père, c'était des frères. Enfin, ils étaient très très proches. Fatima radiyallahu anha s'est mariée avec son grand cousin. Ils avaient le même sang, ils venaient directement de, ils avaient les mêmes grands-parents. Mais hada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a marié sans aucun problème. Si ça serait un mal, ou si ça pousserait à des maladies comme haoula, ils prétendent, etc., voilà, chacun Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de délaisser hada. L'imam ali anna, notre din, il renferme tout le bien. Et il met en garde contre tout ce qui peut faire du mal. Dans notre dîn, on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs en même temps. Ça implique beaucoup de shor. Qala wa tazawaja as-sahaba min aqaribihim wa lam yamna'ahum ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam an dhalik. Innama hadhihi fikra gharbiyya. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à hada, ya ikhwan. Ce genre de pensée qui se propage très très vite, et ahyanan on fait pas attention, ton mal insan robama, il pense comme les ennemis de l'islam. Al-hadar. Si notre modèle c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si nos références c'est Al-Qur'an wa Sunnah, comme ils l'ont compris haoula al-akhyar, falhamdulillah, on a beaucoup d'exemples fi as-sahaba radiyallahu anhum, et parmi eux la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se sont mariés avec leurs proches. Mais vraiment proche, cousin, cousine. Donc on doit faire attention à هذا. قالوا الظاهر أنهم يقصدون منها تقليل النسل عند المسلمين. إلا تظنون أن هؤلاء الأعداء من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين أنهم يبخبّر ce genre de rumeurs هكذا sans aucun objectif. أبدا. Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى قال: الظاهر, ce qui apparaît, non, ils propagent ça. Pourquoi? Ils font tout pour que un musulman il ne se marie pas avec une muslima. Awwalan, ils essayent de les écarter du mariage. Ils essayent de, pourquoi? Pour que un musulman ils font le moins d'enfants possible. Sahih, se marier avec entre proches, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. L'imam Ali, si c'est ta cousine, enfin, son père, c'est ton oncle, tu le connais, il t'a vu grandir. Il y a beaucoup plus de facilité pour se marier. Fala'allah haoula, ils mettent des bâtons dans les roues et ils ont lancé ce genre de rumeurs. Ça provoque kada. Comme si les maladies génétiques, que ce soit des cas de trisomie ou autres, comme si ça touchait que ceux qui se sont mariés entre cousins et cousines. La preuve que c'est pas, c'est combien d'enfants qui naissent malades avec des maladies génétiques ou des handicaps, combien d'entre eux, ça n'a rien à voir avec cette mas'ala. Le fait que le père, il est proche de la mère. C'est des cousins, etc. Et combien de cousins et cousines, ils sont mariés, et alhamdoulilah, leurs enfants, ils sont en pleine santé. فنضع في attention من مثل هذه الأفكار. قال يعقدون الزواج عند المسلمين ويقولون حددوا النسل، نظموا النسل، اجتنبوا الزواج من القريبات، هذه كلها معوقات عن الزواج. صحيح، أولا إذن كذلك بروباجي هذه الفكرة أن السيتوا بوكو دانفان الكذب الآن كي بروباج أن السي لي جون يفون ترو دانفان لي ressources دو لا بلانيت سافا با إتر سوفيزان بور لي إتر هومان. فنعوذ بالله من هذه الأفكار. سي الله سبحانه وتعالى الرزاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la subsistance. Le prophète nous a encouragé à faire beaucoup d'enfants pour que sa communauté elle soit la communauté la plus nombreuse. Et à l'heure, s'il y a beaucoup d'enfants, les ressources de la planète, les ressources de la planète, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à qui veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala bi yadihi al-khayr. C'est lui qui possède khaza'in al-samawati wal-ard. On doit faire attention à hadha al-kalam. Kadhalik, ils combattent les musulmans avec tahdid al-nasl. On a traité wallahi alhamd ce sujet sur la contraception. Ala kulli hal, leur objectif c'est que al-muslimoun ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Lianna une umma avec beaucoup d'enfants, ses enfants plus tard vont devenir des adultes, hum ils font tout pour que c'est eux qui ont le dessus niveau nombre et niveau dans tous les domaines. Qala ijtanibu az-zawaj min al-qaribat hadhihi kulluha mu'awiqat 'an az-zawaj. Na'am. المصدر محاضرة الأمن ومسبباته ومسبباته. نعم. Une conférence sur l'amn, sur la sécurité, la paix. حفظه الله. نكتفي بهذا. Et notre prochain cours jeudi, inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.